11. Jusqu'au Olivier Davenas, Thierry Sportouche, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif avec, pour commencer les hostilités, un ange oppressif au possible. Jusqu'où iront-ils, cruellement d'actualité, Thierry? N'est-ce pas, ils n'iront nulle part, on leur dira stop, comme disaient les républicains en Espagne, no pasaran. Allez, révolution des œillets. Voilà, on commence très fort avec Ange, qui malheureusement, vous le savez, a été... déprogrammé à la dernière minute, on le regrette très fortement, parce qu'il y avait-il, paraît-il, pas assez de réservations. J'en doute un petit peu, je pense que le groupe aurait bien rempli le transborder avec en première partie Absurde. On ne peut que le regretter, mais nos amis d'Absurde ne baissent pas les bras. Le concert va être reporté, si tout va bien, en septembre. Je peux vous dire que c'est un concert superbe, puisque j'y ai assisté en tant que spectateur le premier concert de leur tournée à Vesoul, devant 700 personnes, j'ai bien dit 700 personnes. Un super show, vraiment un régal. Et en première partie, à seigneur tout honneur, il y avait... Silver Lining, combo de rock progressif lyonnais, que vous connaissez bien si vous êtes auditeur de Prog à part. Voilà, alors on vous propose un morceau inédit, puisque le combo lyonnais a sorti à l'occasion de cette mini-tournée, puisqu'il a joué sur Lyon, Villeurbanne exactement, et puis après Vesoul, et il retourne après, donc en première partie de Ange. Eh bien, on avait sorti un mini-CD, je vous propose tout de suite The Inner Dragon, le dragon intérieur, extrait de l'album à sortir, éponyme tout de suite sur le 100.7, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif.

Silver Lining dans Prog à part sur le 100.7. Silver Lining qui seront de nouveau en concert à Vesoul le 29 juin. On va passer à Marillion maintenant. Témoignage poignant de la tournée Anorakhnophobia. Anorak Live in the UK, c'est donc le nouvel album live de Marillion. Et si la setlist proposée ne brille pas toujours par sa pertinence, comment ne pas s'extasier devant, par exemple, la version déchirante de Great Escape que nous vous proposons ce soir. Voici donc quelques effluves du monumental Brave avec un Steve Hogarth tout simplement transcendé par le désespoir. Marillion. Thank you. Marillion sur le 100.7. Ils vont être en concert sur Lyon, Supertramp. Voici un extrait de leur nouvel album qui, ma foi, ne brille pas sur l'horizon progressif. À part le premier morceau, Slow Motion, qui est très sympathique, tout le reste, c'est de la pop un petit peu jazz. C'est loin, loin, loin de Crisis, White Crisis. C'est loin de Crime of the Century. C'est loin de Breakfast in America. C'est assez décevant, mais on reste informatif. Donc tout de suite, un extrait du nouveau Supertramp. Après Supertramp, un petit clin d'œil, un autre encore à l'actualité, décidément un peu plus ce soir. Here Comes the Flood, Olivier, tu nous présentes ce morceau de Peter Gabriel. Absolument. On est en 1979. Pour Robert Fripp, c'est la fin d'une décennie de créativité absolument époustouflante avec Kim Crimson, avec Brian Eno, Peter Amil ou encore Peter Gabriel justement. Et 1979, c'est donc Exposure, le premier album solo de Robert Fripp, magistrale conclusion des vertes années du progressive rock. Et au détour de ce disque aride, une version dépouillée, mésestimée et bouleversante d'Here Comes the Flood, donc titre phare de la carrière solo de Peter Gabriel. Je n'en dis pas plus, je vous laisse avec Peter Gabriel et Robert Fripp. When the night shows, the signals grow on radios. All the strange things, they come and go as early warnings. Stranded starfish have no place to hide. Still waiting for the swollen Easter tide. There's no point in direction. We cannot even choose a side. I took the old track, the hollow shoulder across the waters. On the tall cliffs, they were getting older, her sons and daughters. The jaded underworld was riding high on waves of steel hurled metal at the sky. And as the nails sunk in the cloud, the rain was warm and soaked in the crowd. Again, the seas are silent in an Easter life. It'll be those who gave their island to survive. Drink up, dreamers, you're running dry. When the flood calls, you have no home, you have no walls. In the thunder crash, you're a thousand minds within a flash. Don't be afraid to cry of what you see. The actor's gone, there's only you and me. And if we break before the dawn, we'll use up what we used to be. Lord, here comes the flood. We'll say goodbye to flesh and blood. If again the seas are silent in an Easter light, superbe. Tout simplement, on va passer à Dream Theater maintenant, Thierry. Oui, tout à fait, extrait de leur nouvel album, double album, Les 6 degrés de la turbulence intérieure. Tout de suite sur 100.7 Prog à part, Dream Theater. Trying to weigh abandon, even when the world surrounds me. How can I bite the hand that feeds the strangers all around me? How can I know so many, never really knowing anyone? If I seem superhuman, I have been misunderstood. Commence notre récit, tout n'est que paix et silence.